Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on est jeune. Top 10 des 10 façons d'identifier une sorcière. Et puisque le 1er mars 1692, on débutait les fameux procès des sorcières de Salem. Et donc, c'est un peu pour, non pas rendre hommage, mais souligner cette date plutôt, que mentalfloss.com donc, nous présente ce top 10. Première façon en fait de savoir si la personne que vous avez devant vous est une sorcière, demandez-lui combien de fois qu'elle a été mariée. Et oui, donc si les femmes qui avaient été accusées de sorcellerie à Salem avaient tout ça en commun, c'est qu'ils étaient, elles étaient plutôt, avaient été mariées quelques fois et donc ils avaient été accusés d'avoir tué leurs anciens amants, leurs anciens maris plutôt, et leur avoir, en fait, les avoir torturés, non pas torturés, mais leur avoir lancé des sorts qui les ont menés à la mort, malheureusement. Et donc, c'est ce qu'on retrouve au numéro 10. Numéro 9, demandez-leur s'ils rêvent à des Amérindiens. Et oui, donc Sarah Osborne, qui était une, en fait, qui faisait partie des trois premières personnes à être accusées, donc le 1er mars, avait dit, rejeter toute accusation de sorcellerie, mais quand même, elle parlait, vers la fin de son procès, lorsque ça allait plus très bien, elle parlait de ses rêves qu'elle faisait, où elle rêvait, en fait, que des natifs américains, ou des Amérindiens, bien sûr, se présentaient chez elle et la sortaient à l'extérieur de sa maison par les cheveux, tout simplement, et on a vu ça comme un signe, donc, d'exorcisme de la part des Amérindiens, donc, c'était une sorcière plutôt. Et en numéro 8, maintenant, vous pouvez faire attention à si vous prenez leur remarque sarcastique sérieusement, ça pourrait être une sorcière. Et oui, donc John Willard, qui a été le constable de Salem, responsable pour les premiers accusés en cours, donc pour sorcellerie, en mai 1792 plutôt. Couple de centaines d'années, tout croche. Mais bon, en 1692, en mai, il s'est tanné un peu de ces fameuses accusations-là. Il s'est rendu compte vraiment que c'était un peu incroyable ce qu'ils étaient en train de faire à Salem. Et lorsqu'il a terminé donc son mandat, il a dit qu'il voulait plus rien savoir, donc d'emmener des sorcières au bûcher. Il a dit, ben, non pas au bûcher parce qu'il se faisait pendre, mais des sorcières à la corde. Simplement, il a dit, ben, allez-y, pendez-les tous, ce sont toutes des sorcières. Donc, toutes les femmes de Salem sont des sorcières. Mais il a été lui-même accusé directement de sorcellerie lorsqu'il a dit ça. Et donc, il a été pendu quelques mois plus tard, simplement pour une remarque sarcastique. Faire attention quand même avec les gens, avec ce qu'on appelle les pilgrims, donc les puritains des années 1600, 17e siècle, c'était pas trop fort, c'était pas vite non plus. OK, au numéro 7 maintenant, regardez combien ils ont d'animaux. Effectivement, une femme qui a plusieurs animaux ou qui parle au chat du voisin, qui lui dit bonjour, pourrait être une sorcière, effectivement, puisqu'elle traite en fait l'animal comme s'il serait sien. Et qu'elle communiquerait donc avec cet animal également. En sixième position, demandez à une femme qui est sourde d'une oreille si elle est une sorcière alors que sa bonne oreille est tournée vers un mur. Et oui, c'est ce qui est arrivé à une des femmes qui se nommait Rebecca Nurse, qui avait 71 ans lors de son procès. Et c'était une femme très pieuse, alors on voulait pas nécessairement l'accuser de sorcellerie, puisque donc c'était une femme qui croyait vraiment en Dieu, qui n'avait pas de problème de prière, rien. Mais donc, il y a quand même des jeunes filles qui l'accusaient de leur avoir... en fait, que Nurse aurait lancé des sorts sur ces jeunes filles. Rappelons que c'est une femme de 71 ans qui était sourde, dure d'oreille d'un côté. Et au tribunal, alors qu'elle continuait à nier toute accusation de sorcellerie, l'avocat de l'accusateur, plutôt, s'est présenté. Il lui a demandé si elle était une sorcière alors qu'elle avait la bonne oreille tournée complètement dans le sens opposé. Elle n'a rien entendu, elle n'a pas été capable de répondre. Et donc, elle a été trouvée coupable de sorcellerie. Elle a été pendue tout simplement parce qu'elle ne pouvait pas répondre. Cinquième position maintenant, pour savoir si vous avez une sorcière devant vous, ou une façon de chasser les sorcières plutôt. Ben, celle-là, c'est vraiment savoir si c'est une sorcière. Vous lui demandez tout simplement si elle est capable de réciter le Notre Père. Effectivement, donc encore là, lors des accusations de Salem, les gens qui ne savaient pas simplement répéter ou réciter le Notre Père en 1692 étaient envoyés tout simplement à la corde pendre. Eh oui, on va les pendre la corde au cou. Et donc, ils n'étaient pas capables de tout simplement réciter le Notre Père et une sorcière ne peut pas le faire. Maintenant, en quatrième position, vous pourrez regarder si les sorcières se parlent à eux-mêmes, tout simplement. Donc, parlent à voix haute, tout simplement, pensent à voix haute. Lors du procès à Salem, c'est arrivé, donc, il y a des femmes qui parlaient donc à voix haute, qui avaient peut-être certains problèmes, hein, on ne sait jamais. Maladie mentale n'était pas nécessairement toute découverte, mais donc, on les a accusées, tout simplement, parce qu'ils se parlaient à voix haute, les sorcières de Salem. En troisième position maintenant, on peut regarder s'ils ont des marques de naissance, on parle d'un mamelon supplémentaire, effectivement. S'ils ont un mamelon en plus, en quelque part, ben ça pourrait être une sorcière. Aussi, donc, s'ils ont des marques de naissance, des cicatrices ou tout simplement une mouche. Vous savez ce qu'est une mouche, un genre de... Enfin, une petite protubérance sur le visage. Bien, ça pourrait être une sorcière. Et si jamais vous arrivez sur un de ces parties du corps, donc entre autres un extra mamelon, un mamelon supplémentaire ou une cicatrice, si on arrive pour les couper, qu'il n'y a pas de sang qui vient, eh bien donc, ce sont des sorcières. Et d'ailleurs, ce qu'on faisait dans le... lorsqu'on accusait les sorcières à Salem, lorsqu'on était à la cour d'inquisition, les accusateurs avaient des couteaux à lame rétractables. Donc, lorsqu'ils arrivaient pour faire une petite ponction sur une des marques ou tout simplement une protubérance, eh bien, la lame rentrait à l'intérieur. Donc, ils saignaient pas et c'était une façon de les accuser. Deuxième position maintenant des 10 façons de découvrir une sorcière, débusquer une sorcière plutôt. Eh bien, vous avez tout simplement à les peser face à une tonne de... non pas une tonne, mais plutôt une étalage de bibles. Et oui, donc vous mettez des bibles en étalage sur une balance et vous mettez donc une femme sur une autre balance de l'autre côté. Et si elle est plus légère ou plus lourde que les bibles, eh bien, elle est une sorcière. Et si la balance devient égale avec la femme et les bibles, eh bien là, c'est une femme normale. Il n'y a pas de sorcellerie. Mais vous imaginez que ça, si on utilisait cette technique-là dans les années au 17e siècle, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances que si on vous faisait passer à cette technique, vous étiez soit trop lourde ou trop légère que les bibles. C'est assez difficile donc de deviner son poids en bibles. Déjà que les femmes, en général, n'aiment pas trop divulguer leur poids, on s'entend. Mais non, oubliez ce que je viens de dire là, mais quand même. Donc, cette technique-là était vraiment pas très, très... à date, ni juste vraiment, puisque c'était donc une façon tout simplement de se trouver des accusés facilement et les pendre donc facilement. Et première position pour débusquer une sorcière, et ça c'est vraiment ma favorite, vous êtes simplement à prendre l'urine, et oui, vous récupérez l'urine des gens qui auraient été ensorcelés par la sorcière, et vous en faites un gâteau avec donc une farine, bien sûr, et vous faites manger le dit gâteau à un chien. Oui, le gâteau contenant l'urine des gens ensorcelés, bien vous donnez ça à un chien et le chien, va manger le fameux gâteau. Et si c'est vraiment une sorcière et que ces gens-là sont ensorcelés, eh bien la sorcière va se mettre à souffrir le martyre et va vraiment avoir des cris de douleur et d'agonie. Et donc c'est la meilleure façon de savoir si la sorcière donc est vraiment une sorcière ou si tout simplement c'est un addon, genre que le gars a mal au ventre, peu importe, après avoir rencontré la femme. Donc, c'est les 10 façons de débusquer les sorcières qui étaient un peu en parallèle avec ces fameux procès de Salem qui a eu lieu le 1er mars 1692. C'était pour un peu donc souligner la date, différents faits historiques et différentes choses de farfelues également qu'on retrouvait dans ce top de l'insolite. La pilule du lendemain change de nom pour On s'appelle et on déjeune les matins sur les ondes du 89.1 FM. Rejoignez Simon Fitzbay et ses chroniqueurs pour une revue de l'actualité, le top de l'insolite ainsi que les carrés aux dates. On s'appelle et on déjeune du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM.